galères, traînez-vous encore. Mes amis sont morts, je reste seul. Des putains de souvenirs se bousculent en moi. Ma porte qui sonne, je pense à vous. Ma porte qui sonne, vous pensez à moi.